Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron. L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions. Est-ce que tu voudrais être grande ? Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ? Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast. Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Reprenons aujourd'hui le fil de notre lecture du contrat social. L'homme est né libre et partout, il est dans les fers, affirme Rousseau dès la première ligne de son texte. Le seul pouvoir légitime dans la République qu'il décrit est celui détenu par la volonté générale, qui n'est pas la volonté de la majorité. La liberté n'est pas concevable sans son corollaire, l'égalité. À ces trois affirmations s'ajoute une nouvelle, dont voici la formulation par Rousseau au chapitre 7 du premier livre. Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps. Ce qui ne signifie autre chose, sinon qu'on le forcera d'être libre. Bonjour Bruno Bernardi. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes philosophe, un spécialiste de l'histoire conceptuelle de la modernité politique et de la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. On vous doit la merveilleuse édition en Garnier Flammarion du contrat social de Rousseau avec une présentation faite par votre plume. On vient d'entendre Rousseau. Ce qu'il décrit de la, voilà, du pacte social ne signifie rien d'autre, dit-il, qu'on ne forcera, on va forcer le citoyen à être libre. Comment peut-on forcer un citoyen à être libre quand déjà, et ça on le voit depuis lundi, pour Rousseau, l'homme est naturellement libre, on ne peut pas forcer à être libre quelqu'un qui l'est déjà. Et deuxièmement, la vie politique a pour but de nous permettre de vivre ensemble, pas de nous contraindre à être libre. Bien, alors je suis en fait très satisfait de commencer en ce qui est mes textes, qui au fond peut être pris de deux façons. Soit ce qu'il a été très souvent comme une espèce d'obstacle, d'écran, qui rend quasiment impossible la lecture de Rousseau, tant il peut y avoir, enfin, l'interprétation en vie est rebutante. Bon. Mais ça, c'est une première chose. Et là, on sera tenté, entre guillemets, quiconque s'intéresse à Rousseau, de remettre les choses droit, et donc d'éviter les contresens qu'on peut faire sur ce texte. Nous allons le faire. Ça a déjà été commencé. Je compte sur vous. Mais je crois que dans un deuxième temps, il y a un autre usage à faire de ce texte. Et si vous voulez bien, c'est celui, au fond, que nous pourrions faire aujourd'hui, pour l'essentiel. C'est d'y voir, je dirais, fondamentalement, le problème. Nous allons voir que l'on peut se poser concernant la pensée de Rousseau. Et donc, je voudrais que nous voyions progressivement que c'est en fait le problème que Rousseau lui-même se pose. Forcer quelqu'un à être libre, c'est le problème qui traverse toute la pensée de Rousseau. L'expression, entre guillemets. Alors, je commence d'abord. C'était lundi, je crois. Vous aviez évoqué ce même texte avec Céline Sector, qui vous a fait une réponse que je crois fondamentalement juste. Sa réponse est très simple. Dit, que veut dire ici, de façon très simple, Rousseau ? C'est qu'il s'agit du fait que l'on respecte les lois. Tout simplement, puisqu'il a défini la loi comme l'expression de la volonté générale, qui est aussi, je dirais, la volonté commune, qui par hypothèse est la mienne, puisque, quand bien même, entre guillemets, je m'y serais opposé, puisque en participant à la décision qui aboutit à la loi, j'ai fait mienne la décision collective. Mmh. Et de ce point de vue-là, le sens de ce texte, je dirais, le plus simple, et je crois que c'est celui qu'il a d'abord, est, je veux dire, quasiment évident. Si ça ne me plaît pas de payer des impôts, mais puisque nous avons décidé que nous avons besoin d'impôts pour construire des hôpitaux ou pour réparer Notre-Dame de Paris, eh bien, je dois, même si ça ne me plaît pas, les payer. Ah oui, mais forcer à payer les impôts. Mais forcer à être libre. Mais en me contraignant, c'est ce que veut dire Rousseau, hein, en un premier sens, c'est que en me contraignant à payer mes impôts, on me contraint à faire ma propre volonté. et donc à être véritablement libre, puisque la liberté consiste à faire ce que l'on veut. D'accord. Le présupposé, c'est que je veuille respecter la loi, et donc respecter la loi, si celle-ci me contraint. De mon appartenance à la société politique, c'est que je considère les décisions collectives comme décisions qui ont été prises en mon nom. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que, on y reviendra, mais que je ne puis pas garder de réserve vis-à-vis de ces décisions, l'exprimer, éventuellement défendre d'autres. Mais simplement, à partir du moment où elles sont prises, vous le disiez tout à l'heure, à la majorité, comme celle de la société tout entière, alors, eh bien, je dois les respecter. Et en me contraignant à le faire, on me contraindra à respecter les limitations de vitesse, à passer dans les clous, et toutes les formes de contraintes qui sont associées à l'exécution de la loi sont des contraintes légitimes si elles sont les mêmes qui s'appliquent à tout et si elles ne sont faites qu'au nom de la loi, sans arbitraire. Et je crois que c'est le premier sens qu'il faut entendre là. Bien entendu, comme je le disais, si on s'arrêtait là, on a résolu la question, mais peut-être qu'on l'a résolu au petit pied. Mais pardonnez-moi, encore un instant quand même, parce que si je vous comprends bien, ça veut dire que pour Rousseau, même d'ailleurs pas que pour Rousseau, mais quand même c'est un point qui n'est pas forcément intuitif, la loi a pour vocation de préserver ma liberté. Oui, pas de, pas parce que la conception qu'on se fait de la loi, c'est au contraire ce qui vient enfreindre ma liberté, ce que je dois respecter. Je ne peux pas fumer dans ce studio, par exemple. Alors, pour Rousseau, la loi a pour objet... Alors, il y a deux questions différentes. C'est que, pour commencer, la loi, je dirais, est l'expression de ma liberté, puisque tout simplement, je vais contribuer à la faire, d'une façon ou d'une autre. Quelle qu'ait été la part que j'ai prise au processus de la décision, en tant que citoyen, au fond, je suis comptable de la loi. Et bon, ce qui fait d'ailleurs qu'effectivement, aucun citoyen ne peut dire que la loi est mauvaise, entre guillemets, s'il ne s'en est pas préoccupé. Oui, en même temps, en France, on ne nous consulte pas pour voter les lois. Mais on parle de la République de Rousseau. Ce que nous appelons loi, est-il bien une loi? Ça, c'est une autre question qu'on verra. On verra. Pour Rousseau, on va y venir alors, d'accord. Bon. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans son contenu même, oui, alors on va venir, l'objet de la loi, encore c'est un texte qui a déjà été évoqué dans des émissions précédentes, l'objet de la loi, c'est bien d'établir, de préserver l'égalité et la liberté, l'égalité comme condition de la liberté. Et donc la liberté est bien ce que vise la loi. Alors comment répondez-vous à l'autre point qui est que pour Rousseau, et ça on l'a bien vu aussi les jours précédents, l'homme est naturellement libre. Voilà. Alors là, je crois que... Donc pas besoin de le contraindre à être libre puisqu'il l'est. Que s'est-il passé? Il y a quelque chose qui s'est perdu alors? On peut accepter l'expression « il y a quelque chose qui s'est perdu » à la condition de mettre immédiatement l'expression « il y a quelque chose qui s'est trouvé ou qui a été gagné ». Pour Rousseau, c'est un passage. Et le terme exact, c'est une mutation de la liberté. Alors ça, c'est important de ce point de vue-là. Pour Rousseau, la liberté de l'homme de la nature, elle est strictement une liberté d'indépendance. C'est-à-dire, tout simplement, ma volonté ne me lie à personne d'autre. Je fais littéralement ce que je veux, à une condition près, c'est que je le puisse. Je ne fais aussi que ce que je peux. Ce qui fait que cette liberté, et qui est, je dirais, entre guillemets, formellement d'indépendance infinie, est réellement extrêmement restreinte. Cette liberté d'indépendance, je l'ai perdue, de fait. À partir du moment où je ne l'ai plus, à partir du moment où je vis en société. Puisque je suis très exactement lié, et lié non seulement par des liens effectifs de dépendance, mais surtout par des liens d'obligation, justement, à commencer, parce que le contrat social, d'avoir accepté d'obéir aux demeures lois. Alors, à partir de ce moment-là, cette liberté, alors, c'est, il faudrait dire d'ailleurs, pas cette liberté, mais ces libertés, parce qu'il y a trois sortes, que je vais gagner, entre guillemets, en entrant dans l'ordre civil. Alors, je l'énumère simplement, puis on pourra en revenir. La première que je gagne, bien sûr, c'est les libertés politiques. Les libertés politiques, c'est-à-dire précisément celle de n'être soumis à aucune autre volonté que à la volonté générale et de pouvoir contribuer à sa définition. En d'autres termes, je suis citoyen. Deuxième type de liberté, c'est la protection, c'est les libertés civiles. Et Rousseau est très clair, on a peut-être, le gouvernement a ça, de protéger les libertés politiques et civiles, liberté civile, c'est tout simplement que la société tout entière me protège moi, me protège mes biens, et me garantit de pouvoir faire tout ce que la loi n'interdit pas. Et puis, troisièmement, ce que j'y gagne enfin, c'est la liberté morale. Alors ça, c'est que Rousseau évoque, oui. Alors qui n'est pas, alors en fait, une, je dirais quelque chose qui m'est octroyé par la loi, mais par contre, qui est quelque chose qui naît en moi avec le passage de l'état civil. C'est-à-dire tout simplement, qu'est-ce que c'est que la liberté morale pour Rousseau ? C'est le fait que ce que je le fais par une décision volontaire. Et non pas sous l'impulsion, entre guillemets, de l'appétit, ou en réaction à des circonstances qui me contraignent, etc. Tout simplement, je suis un agent libre et réfléchi. Or, ça, pour être un agent libre et réfléchi, il faut aussi être capable, je dirais, de s'engager. Il faut être capable de se lier. Et ça, alors, pourquoi c'est important de voir ces trois sortes de liberté ? Parce que la différence, je dirais, au fond, fondamentale de Rousseau avec, de ce point de vue-là, avec ce qu'on appelait les justes naturalistes, les théoriciens du droit naturel, qui l'ont précédé, et qui, et sur ce point, il est beaucoup plus proche de Hobbes. C'est que, eux disaient, l'homme de la nature, l'homme est naturellement libre, parce que cette autonomie morale, il l'a par sa nature. C'est un être intelligent, raisonnable, disait-il, et c'est un être moral. Donc, il est responsable des décisions qu'il prend naturellement. Or ça, et avec des tonalités différentes, et Rousseau et Hobbes le récusent, en disant tout simplement, dans l'état de nature, alors Hobbes a une version, je dirais, hard, qui consiste à dire l'homme n'est pas du tout conduit, ni par sa la raison, ni par une bonne volonté, entre guillemets, morale, mais tout simplement par l'appétit. Et ça traduit immédiatement par la violence également. Quant à Rousseau, il dit, il obéit à ses impulsions qui ne sont pas forcément agressives, comme le dit Hobbes, mais qui sont simplement de jouissance, satisfaction de son bien, point barre. L'homme de la nature, pour Rousseau, n'est ni rationnel, d'accord, ni réfléchi, ni moral. Et là encore, j'en profite pour rappeler qu'on dit que Rousseau parle beaucoup de la volonté, de la bonté naturelle, c'est vrai, mais il la distingue fondamentalement de la bonté morale. La bonté naturelle, pour lui, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de ne pas avoir le désir, et même de d'avoir une répugnance à faire souffrir autrui. C'est une répugnance naturelle, instinctive, à faire souffrir autrui, qui peut aller un peu plus loin avec la compassion. Tandis que la bonté morale, c'est le fait de vouloir faire le bien d'autrui, de la communauté. Est-ce que Rousseau n'établit pas une sorte de tautologie, de pléonasme, en disant que chacun est libre du moment qu'il participe à la volonté générale, dès lors que pour participer à la volonté générale, il faut déjà avoir donné son assentiment ? En fait, quelqu'un, il ne peut pas concevoir quelqu'un qui pense différemment, qui ne veuille pas, tout simplement, faire partie de la volonté générale, parce qu'il serait alors exclu du champ du domaine de réflexion de Rousseau. En fait, il s'adresse à quelqu'un des individus qui sont semblables, parce qu'ils ont tous en commun de reconnaître la nécessité de la volonté générale alors, pour être libre. Je ne crois pas qu'il en soit ainsi. Distinguons deux choses. Qu'il y ait un horizon, en guillemets, chez Rousseau, fixé, qui est celui de parvenir au consensus. Oui. On peut dire qu'il y a cet horizon. Et l'idée des sentiments partagés est un objectif politique et un objectif moral éventuellement. Mais est-ce que ça veut dire que cet horizon est une condition de possibilité de l'appartenance à la société et plus loin, de l'exercice de ses droits ? Non. Ça, clairement non. Et je dirais même, ça va un peu plus loin. Il y a un chapitre du contrat social qui dit clairement, sur la question de la manière de donner les voix, qui dit c'est pas possible. Il y a chez les Romains, il y avait des manières où les membres de l'Assemblée s'exprimaient par acclamation ou par réprobation des hurlements. Et il dit, mais que ce soit cette opposition, c'est-à-dire chacun vocifère dans son coin pour dire autre chose, ou que ce soit l'unanimité, entre guillemets, de l'adoration d'un individu ou d'un point de vue, d'acclamation, etc., c'est la négation, de l'assemblée politique qui doit, elle, être le consensus idéal, entre guillemets, qu'on recherche, ne peut être qu'un résultat. Et donc, le résultat qui implique une délibération, qui implique éventuellement des différences d'appréciation, etc. Simplement, on va vers cette position-là. Ce qui est fondamentalement différent, si vous voulez, d'un modèle d'unanimisme et, a fortiori, d'un modèle de contraintes, des consciences. Alors, on va prendre des cas particuliers pour bien comprendre ce que vous êtes en train de dire, Bruno Bernardi, et revenir au sujet de l'émission. Hein. Peut-on forcer quelqu'un à être libre avant de reprendre le cours de la lecture du contrat social ? Voici un exemple. Parce que la question se pose de savoir dans quelle mesure est-ce que la loi, dès lors qu'elle est censée garantir ma liberté au sein de ce pays, hein, si on prend le cadre d'une nation, ne peut pas parfois aller contre moi, y compris quand je m'identifie à cette volonté générale. Y a-t-il pas des moments où la loi vient enfreindre la représentation que j'ai de moi en tant que membre de la volonté générale ? Vous allez comprendre ce que je veux dire en écoutant cet extrait. Vous avez une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition depuis 7h du matin chez moi. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Ces gens-là peuvent envahir ma maison, les locaux de mon parti et de mon mouvement, ils ne me font pas peur. Toute ma maison a été fouillée pour ça. C'est une agression politique. Et maintenant, je me défends avec la seule chose que je peux faire, protester. Voilà ce qu'est le macronisme. Vous avez vu ? Chez moi, la perquise. Chez lui, rien. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous, c'était le 16 octobre 2018, dans un enregistrement qu'il a fait d'ailleurs lui-même, de la perquisition qui a eu lieu à son domicile. Il dit plusieurs choses qui sont très utiles pour comprendre, me semble-t-il, ce qu'on est en train de dire, Bruno Bernardi. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Qu'est-ce que Rousseau dirait de ça? Et surtout, la République, c'est moi. Eh ben, quand on entend ce que vous dites et tout ce qui a été dit depuis lundi, cette coïncidence entre le citoyen et la volonté générale fait que oui, et on pourrait, en toute logique, s'identifier à la République. Est-ce que c'est ça que voudrait dire Rousseau? Est-ce que Mélenchon ici se comporte en lecteur du contrat social? En cohérence, en tout cas. Il y a un problème majeur. Alors, bien entendu, je ne vais pas commenter ni l'événement. C'est pas l'objet de la discussion. Ni d'ailleurs l'orientation politique de Mélenchon. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est assez curieux, et que je relève d'ailleurs dans votre formulation, mais la formulation de votre question, c'est que on peut entendre ce que Mélenchon, dans les déclarations qu'il fait là, indique, c'est que ce qu'il définit comme sacré, c'est son statut de représentant du peuple. Et de ce point de vue-là, il faut lui reconnaître que, du point de vue, entre guillemets, de la tradition républicaine française, indépendamment de la forme sous laquelle il le dit, bien sûr, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. La personne des représentants du peuple est, depuis le serment du jeu de pommes, inviolable. Et on ne peut d'ailleurs, c'est très important, c'est très simple, on le sait, il y a des exemples récents, ils ne peuvent être, je dirais, soumis, en guillemets, aux rigueurs de la loi qu'avec l'autorisation de l'Assemblée. Donc, des représentants du peuple même. Donc, de ce point de vue-là. Alors maintenant, est-ce que ça a un rapport avec Rousseau? Il y a un problème. C'est que, précisément, tout ce qu'il dit là, formellement, Rousseau le dirait de tout citoyen. Dans l'exercice de ses droits politiques, j'entends bien. Bon. Et de ce point de vue-là, celui qui est le vrai rousseauiste, c'est pas Mélenchon à cet égard, c'est cette dame dont j'ai oublié le nom, qui s'est faite agresser, entre guillemets, à Nice, lors d'une manifestation, qui, elle, alors, pardon, là encore, je ne discuterai pas les faits, etc., mais dont l'argumentaire, lui, serait rousseauiste. Donc, il faut rappeler les faits, c'est-à-dire qu'elle s'est fait, alors, au moment d'une manifestation des Gilets jaunes. Elle s'est fait bousculer, blesser par les policiers, dans une répression. Mais on va pas rentrer dans le détail. Mais dans la mesure où ce qu'elle dit, c'est j'exerce, en manifestant, j'exerce non seulement mes droits de citoyen, mais mes devoirs d'exprimer ma volonté politique, etc. Et en ce sens, ma personne est sacrée. Geneviève Le Guay. Dans cela. Et de ce point de vue-là, je dirais, au fond, c'est ça qui est cadre. Parce que pour Rousseau, les représentants, bon, on peut en reparler. Donc, il faudrait pas dire ma personne est sacrée, je suis parlementaire, mais ma personne est sacrée, je suis citoyen. Et alors, du coup, c'est pas ma personne, les citoyens. C'est le citoyen en moi est sacré, c'est-à-dire les droits du citoyen. Oui, parce que ce que présuppose sans doute l'affirmation de Mélenchon, c'est que son statut lui confère un statut particulier par rapport à la justice. Oui, ce qui est vrai. Encore une fois, j'ai commencé par là. En droit français, c'est vrai. Ben voilà. Donc, mais pas en droit rousseauiste. Et quant à l'affirmation, la République, c'est moi. Est-ce que ça, c'est pas cohérent avec ce que dit Rousseau, puisqu'il y a une indissociation entre justement, là encore, attendez, la forme et le citoyen. Ce qui m'ennuie dans la République, c'est moi. Et Mélenchon est assez cultivé pour que cet ennui-là soit réel. C'est que ça ressemble beaucoup trop. Bien sûr, il n'est pas au pouvoir, mais à la formule de Louis XIV, l'État, c'est moi, ou en tout cas qui lui était prêté, ou à des formulations du même type qu'on a entendues dans la bouche de De Gaulle. C'est-à-dire ici, alors non plus d'ailleurs d'un représentant, mais d'un leader entre guillemets qui est supposé incarner la société, incarner la République. Alors là, cette incarnation-là, Rousseau, je dirais, l'exclut totalement, ou pas, y compris. Ou il est fidèle à ce que vous dites, la République c'est moi, comme tout citoyen pourrait le dire. À ce moment-là, mais pareil, à ce moment-là, ça devient la République c'est moi, nous sommes tous la République. Ouais. Mais là, pour le coup, s'il y avait équivocité dans la première formulation, dans celle-là, la République c'est moi. Bon, il voulait, en réalité, il voulait dire. Alors, c'est un autre problème, parce que alors, du coup, ça poserait d'autres questions, c'est qu'il opposait en fait le pouvoir législatif, qui serait la République, en supposant que le pouvoir judiciaire, ou en tout cas le pouvoir de coercition d'exécutif, qui est la police, ne serait pas la République, ce qui, là encore, dans la doctrine républicaine, est un peu problématique. D'autant que, et là il faut revenir à ce point, parce qu'on l'a un peu abordé les jours précédents, mais il est très difficile à comprendre, par faute d'imagination sans doute pour nous autres citoyens français du XXIe siècle, pour Rousseau, la représentation ne fonctionne pas en politique parce qu'elle fait disparaître la liberté. Écoutez le texte, vous le commenterez ensuite. Sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens, et qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l'État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat ? Ils payent des troupes et restent chez eux. Faut-il aller au conseil ? Ils nomment des députés et restent chez eux. À force de paresse et d'argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des représentants pour la vendre. Chez les Grecs, tout ce que le peuple avait à faire, il le faisait par lui-même. Il était sans cesse assemblé sur la place. Il habitait un climat doux, il n'était point avide, des esclaves faisaient ses travaux, sa grande affaire était sa liberté. N'ayant plus les mêmes avantages, comment conserver les mêmes droits ? Vos climats plus durs vous donnent plus de besoins. 6 mois de l'année, la place publique n'est pas tenable. Vos langues sourdes ne peuvent se faire entendre en plein air. Vous donnez plus à votre gain qu'à votre liberté, et vous craignez bien moins l'esclavage que la misère. Je n'entends point par tout cela qu'il faille avoir des esclaves, ni que le droit d'esclavage soit légitime, puisque j'ai prouvé le contraire. Je dis seulement les raisons pourquoi les peuples modernes qui se croient libres ont des représentants, et pourquoi les peuples anciens n'en avaient pas. Quoi qu'il en soit, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre. Il n'est plus. Cette phrase a quelque chose de cinglant aujourd'hui, Bruno Bernardi. Cette phrase a quelque chose de cinglant. Il avait déjà à l'époque, parce qu'elle s'adressait très précisément au modèle anglais, qui était, si on dit les choses de façon approximative, le modèle qui fascinait, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler à l'époque les libéraux, au sens politique du terme, français du XVIIIe siècle. Quel était le pays qui avait la liberté ? C'était depuis la glorieuse révolution, entre guillemets, les Anglais, puisqu'ils avaient un système parlementaire, bicaméral qui plus est, de représentation. Bien. Ça, Rousseau, le caractère cinglant de ces formulations... Je la rappelle, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus. Absolument. Alors, maintenant, on va être relativement simple. Oui, il y a chez Rousseau un refus radical de la représentation, tout simplement parce que la représentation consiste pour les citoyens à il y a deux aspects, se défaire du droit qui est le leur et du pouvoir qui est le leur de se participer aux décisions collectives, en le transmettant à autrui, mais aussi à se défaire, en se dégageant du processus de la délibération et de la décision, de tout ce qui peut les conduire à rationaliser et généraliser leur point de vue. Comment devient-on citoyen ? En discutant, en affrontant les arguments, etc. Si on réserve ça à des représentants, on va faire un peuple qui sera, je dirais, désinvesti de la politique et en plus qui aura perdu toute conscience politique. Ceci dit, il faut quand même faire attention et je crois que à cet égard, nous sommes gênés dans notre compréhension de Rousseau par l'ignorance d'un phénomène très important de l'histoire de la pensée politique moderne. Il y a un auteur important, Richard Tuck, anglais, qui a récemment publié un livre avec un titre étonnant d'ailleurs, Le souverain endormi, je crois que c'est juste comme ça en anglais, ça donne, et qui met l'accent sur un fait très important, c'est qu'il y a une tradition politique que lui fait passer, il faudrait compliquer expliquer pourquoi, par Baudin et par Rousseau, qui s'est attaché à distinguer la souveraineté du gouvernement. Or, à l'inverse, nous avons hérité du gouvernement absolu la confusion entre la souveraineté et le gouvernement. Alors, Dites-nous la différence entre les deux. Pourquoi c'est important? Ouais. Alors, pourquoi c'est important les deux? Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun dans cette décision? C'est qu'en fait, la souveraineté, c'est ça, on se relie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la loi, ça mène à avoir une vision plus subtile et plus compliquée de ce que sont les lois. En d'autres termes, la souveraineté se caractériserait, et c'est ça que Rousseau veut à tout prix protéger dans le citoyen, dans, je dirais, les choix fondamentaux. Nous appellerions aujourd'hui les choix de valeur, les grandes décisions qui orientent, par exemple, vers l'égalité. Est-ce qu'il y aura un impôt progressif? L'impôt sera progressif ou pas, etc. Par contre, et ça, je dirais, décider que l'impôt sera progressif, c'est-à-dire que plus on aura de richesses, plus on contribuera au bien commun, c'est une décision qui parfaitement relève de la souveraineté. Par contre, décider des tranches de cette progression, décider des conditions de l'exemption, etc., eh bien ça n'est pas du domaine, pour Rousseau, rigoureusement de la loi. En tout cas, ça n'est pas du domaine de la souveraineté. Et donc, que des représentants, entre guillemets, parce qu'il envoie, l'élection, il la connaît bien. Même, on l'a rappelé encore, il pense que le meilleur système de gouvernement, j'entends bien de gouvernement, est celui dans lequel sont élus, entre guillemets, des meilleurs, c'est-à-dire aristocratiques, c'est-à-dire ceux, en fait, qui sont le mieux placés pour cela. Donc il y a quand même un vote, il y a quand même des représentants. Mais il y a des représentants, mais simplement, alors, il appelle lui des magistrats, ouais, qui n'ont pas le pouvoir de représenter, c'est-à-dire de décider pour le peuple, mais d'appliquer ces décisions. Et donc, Ce sont des mains, en fait. Oui, c'est l'exécution. Ils font les décrets. En fait, il y a un autre partage entre l'idée de loi et des décrets. Il restreint le domaine de la loi aux options fondamentales et le réserve au peuple. Et étend le domaine, ce que nous appelons les décrets, en le confiant, entre guillemets, au pouvoir exécutif. Et le pouvoir exécutif, lui, doit être élu à la condition de rendre des comptes, etc. Mais ça, c'est... Donc le gouvernement, il parle encore de gouvernement quand même ou oui, pas? Oui, le gouvernement, c'est des magistrats. Ils appellent les magistrats. Voilà, donc des gens qui viennent exécuter des décisions mais prises en amont. Mais tous ceux qui vont exécuter les décisions. Ce qu'il y a, c'est que du coup, ce partage implique que la responsabilité des décisions, je dirais d'application, est plus grande qu'on ne pense communément. Puisque ce sont les grandes orientations qui sont fixées par le peuple. Par l'Assemblée du peuple. Parce qu'au fond, l'idée qui est développée dans le texte par Rousseau, le texte qu'on a entendu tout à l'heure, le chapitre 15 du livre 3, c'est que la liberté demande trop d'efforts aux citoyens. C'est pour ça qu'il pourrait, par paresse, s'en remettre à celui qu'il a choisi de le représenter, parce que la liberté est contraignante, est exigeante. Bien sûr. Alors, cela le rattache à toute une tradition qui passe par la Boétie, par exemple, républicaine, donc la Boétie, l'auteur du discours sur la servitude volontaire, qui s'interroge sur les raisons pour lesquelles nous sommes prêts à nous soumettre si facilement à un souverain. Qui insiste sur le fait que, au fond, le plus grand danger pour la liberté, c'est l'affaiblissement du désir de liberté dans les citoyens. Exactement. Et ça, mais que fait Rousseau face à ça? Alors, ce qu'il fait face à ça, alors il y a au fond deux choses fondamentales. La plus importante, c'est que pour lui, c'est l'exercice de la liberté qui donne le goût de la liberté. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que plus on est actif politiquement, plus on a envie d'être libre. Moins on l'est, plus on s'en remet en dix minutes. Donc on en revient à l'idée qu'il faille forcer quelqu'un à être libre pour lui donner le goût de cette liberté. Si on prend cette formule, Rousseau ne le dit pas. Mais je pense que l'idée du vote obligatoire serait bien dans sa pensée. Ce n'est pas du tout contradictoire avec sa pensée. Parce que ça dit très exactement, oui, c'est une obligation politique de voter. Par contre, à ce moment-là, il faut aussi effectivement reprendre, tenir compte aussi des votes blancs, etc. On doit exprimer sa pensée, mais on l'exprime exactement, totalement librement, ensuite. Alors avant d'entendre encore un autre texte, je vous propose toujours pour essayer de voir dans quelle mesure ce qu'écrit Rousseau est compatible, et en tout cas peut nous éclairer par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, un exemple de ce qui pourrait être l'expression du peuple qui s'adresse au peuple et qui surtout voudrait retrouver une forme de souveraineté. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Il faut savoir qu'il est né au XIIIe siècle et qu'il est mis en place de façon institutionnelle aux États-Unis et en Suisse depuis le XIXe, donc on a 100 ans d'expérience. pour pouvoir évaluer comment ça se passe. À la base, dans l'article 3 de la Constitution, on a le droit à un référendum. Mais c'est nos représentants qui nous le proposent. Rien ne vous dérangerait plus que de donner au peuple la possibilité de se faire entendre. Donc du coup, on va insister sur le RIC pour vraiment faire valoir nos droits dans l'avenir et du coup pouvoir demander toutes ces choses-là par nous-mêmes en fait, par le référendum. Nous venons donc avec une exigence concrète afin de sortir de cette crise démocratique. Présenter au peuple français par la voie du référendum un texte visant à modifier la Constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Déjà, ça sera un très bel exemple de démocratie. Ça correspond à l'ensemble des Français. C'est pas spécifique à une catégorie, c'est pour tout le monde. Les Gilets jaunes veulent en effet s'inspirer du modèle suisse pour instaurer un référendum d'initiative citoyenne, un RIC ou un RIC. Et là, ça met le peuple vraiment à égalité du citoyen. On devient citoyen enfin. Le RIC, Bruno Bernardi, est l'une des principales revendications du mouvement des Gilets jaunes. Il permettrait de lancer un vote sur une proposition de loi. Si celle-ci recueille au moins 700 000 signatures, on y entend une demande de participation accrue à la vie politique de la part des citoyens et donc un sentiment d'être dépossédé de sa souveraineté par le mécanisme de la représentation. Ce qui, présenté comme ça, paraît absolument fidèle à ce que décrit Rousseau dans le Contrat social. Je vois que vous êtes sceptique. Non, je suis hésitant sur le modalité de la réponse. Alors d'abord, je voudrais juste deux précisions. La première, c'est que dans l'horizon intellectuel, culturel, la culture politique de Rousseau, la question du référendum ne se pose pas. Bon, donc allez, on ne fait pas parler des morts. Il ne faudrait pas, je dirais, inventer entre guillemets ce que Rousseau aurait dit sur le référendum, même si on peut essayer de penser nous avec. Il n'en parle pas du tout. En cohérence avec sa propre pensée. Alors, la première réponse. La deuxième, bien entendu, c'est qu'il faudrait, pour répondre sérieusement sur le référendum, une question passionnante, et qui plus est, sur la modalité sous laquelle on invoque aujourd'hui, les modalités, parce que, apparemment, on vient d'entendre. Oui, là, on a entendu presque une dizaine de voix. De ces référendums locaux, alors, pour le coup, dont je ne vois pas, mais carrément, le sens de cette expression. Enfin bon, on l'entendra peut-être, mais donc, traiter du référendum demanderait beaucoup plus de temps que nous n'en avons, ce serait exorbitant. Alors, cela dit, qu'est-ce qu'on peut répondre? Pourquoi j'ai une hésitation là-dessus? Dans son principe, il va de soi que, au fond, ce qui est en cause ici, c'est l'expression bien connue de l'Assemblée dans les urnes. Le référendum, c'est une assemblée dans les urnes. Quel est le problème? Ce qui est bien, c'est que effectivement, c'est d'une certaine manière tout le monde est consulté. Mais quel est le problème de l'assemblée dans les urnes? C'est qu'il n'y a pas vraiment d'assemblée. C'est pas vrai qu'il y a une assemblée dans les urnes. Dans les urnes, ce sont des bulletins, c'est-à-dire des décisions déjà prises dans la tête de ceux qui arrivent. La question, c'est au fond, est-ce si le référendum était à en guillemets, imaginons, là encore, dans un modèle réduit. Je crois que vous avez travaillé sur les modèles réduits déjà, avec Frédéric Brami notamment. Vraiment. Prend un modèle réduit, le référendum, s'il consiste à dire, il y a des entreprises dites autogérées qui fonctionnent sur ce modèle-là, nous sommes 100, il y a une décision à prendre, on discute, il y a des tribunes qui sont développées, il y a des assemblées, etc. Puis à la fin, il y a un vote. Bon. Et puis, voilà, il y a une décision qui est prise. Ça, c'est un référendum, entre guillemets, qui, on peut dire que l'Assemblée dans les urnes, elle a un sens. De cette façon, c'est, en fait, ça consiste à dire qu'on substitue, pour des raisons qui peuvent être techniques ou plus politiques, on substitue à l'expression du vote, on opine, le vote par le bulletin dans l'urne. Par contre, quel est le problème posé avec la tradition, entre guillemets, référendaire, dans les États, et on remarquera de l'Europe, qui presque toujours ont été une tradition, en France en particulier, antidémocratique, plébiscitaire en général, etc. Quel est le problème? C'est d'une part que l'objet des votes était déterminé par le pouvoir exécutif et très souvent très écarté justement de la décision d'une orientation générale. Pour Rousseau, faire voter les citoyens sur le fait que la vitesse doit être à 80 km ou 90, c'est du délire. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Ça n'a aucun sens parce que c'est pas une décision politique. Au sens où, ce qu'on peut décider, c'est l'impératif, d'un impératif, dire la priorité absolue, c'est la sûreté des routes. Ça, c'est une chose. Oui, ça on peut le dire. Et en fonction de ça, on prend des mesures. Bon. Mais déjà, c'est pas un objet de vote possible. Le premier problème, et le deuxième problème, c'est que la plupart du temps, que ce soit voulu ou non, parfois ça a été, on se rappelle du référendum qui a mis fin à la carrière politique de De Gaulle, il ne cherchait pas ce résultat, mais il l'a obtenu, c'est-à-dire que le vote était pour ou contre. Mm. Soyons clairs, que demain, un référendum sur n'importe quoi ait lieu en France, il sera pour ou contre Macron. Et il en a créé les conditions de possibilité, si vous me permettez. Mais, oui, mais d'où l'intérêt du RIC, référendum d'initiative citoyenne. C'est que cette fois-ci, du gouvernement qui veut consulter le peuple, le peuple lui-même qui en appelle au gouvernement. Alors, simplement, à ce moment-là, ce qu'il faut voir, c'est encore une fois, c'est les conditions de préparation du référendum, la question du débat. Mais de fait, oui, si, ça peut être le cas. Parce que, par exemple, si pour qu'il faut, il y a un grand nombre de citoyens qui s'expriment, qui demande le référendum, déjà, inévitablement, ça engendre les conditions d'un débat dans la société sur l'objet du référendum. C'est ça ce que vous dites, c'est que le problème du référendum, c'est qu'on a tendance à le réduire au fait de mettre dans l'urne un bulletin oui ou un bulletin non. Or, ce qui importe dans le référendum, c'est au contraire toute la délibération qui précède et la discussion qui précède. Bien sûr. Sinon, ça devient, au fond, un équivalent de la représentation où on vote pour un tampion. L'écho du RIC et l'extrait qu'on a entendu laisse penser que c'est justement cette demande qui est en train de s'exprimer en ce moment. Au saut de ce point de vue-là, c'est notre frilosité qui nous fait dire que les choses sont impossibles. La frilosité ? Oui, il ne parle pas le terme frilosité, mais il est plus radical, il parle de lâcheté. Excusez-moi, mais je vais prendre un exemple simple. Qui, connaissant tant soit peu cette société, il y a 6 mois, aurait pensé à ce qui se passe en Algérie ou au Soudan ? Et quelle conclusion en tirez-vous ? Que les possibles en politique sont toujours infiniment plus grands que ce qu'on imagine. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire aussi, soit en passant. Alors, il faut, pour bien comprendre ce que dit Rousseau dans ce texte, et surtout en ce qui concerne la liberté, il faut l'inscrire dans un contexte, et cette fois-ci non pas historique, pas remonté en amont du texte, ni même dans le contexte contemporain, mais de ce qui a pu suivre. Et je pense à un texte écrit par Benjamin Constant, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, dans lequel Benjamin Constant distingue donc ces deux types de liberté, la liberté des anciens serait collective, quand la liberté des modernes serait individuelle, et qui, à l'aune de cette conceptualisation, eh bien classe Rousseau du côté de ceux qui seraient en faveur de l'exercice d'une tyrannie. Alors écoutons le texte, et puis Bruno Bernardi, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Rousseau prête-t-il le flanc à ce type de critiques ? Sont-elles justifiées ou pas ? Je me propose de vous soumettre quelques distinctions, encore assez neuves, entre deux genres de liberté. L'une est la liberté dont l'exercice était si cher aux peuples anciens. Celle-ci consistait à exercer collectivement, mais directement, plusieurs parties de la souveraineté tout entière, à délibérer de la guerre et de la paix, à conclure avec les étrangers des traités d'alliance, à voter les lois, à prononcer les jugements, à examiner les comptes. Mais en même temps que c'était là ce que les anciens nommaient « liberté », ils admettaient comme compatible avec cette liberté collective l'assujettissement complet de l'individu à l'autorité de l'ensemble. L'autre, celle dont la jouissance est particulièrement précieuse aux nations modernes. C'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière, par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie, de disposer de sa propriété, d'en abuser même. Faute d'avoir aperçu ces différences, des hommes bien intentionnés d'ailleurs, ont causé des maux infinis durant notre longue et orageuse révolution. Ils avaient puisé plusieurs de leurs théories dans les ouvrages de 2 philosophes, qui ne s'étaient pas doutés eux-mêmes des modifications apportées par 2000 ans aux dispositions du genre humain. J'examinerai peut-être une fois le système du plus illustre de ces philosophes, Jean-Jacques Rousseau, et je montrerai qu'en transportant dans nos temps modernes une étendue de pouvoir social, de souveraineté collective qui appartenait à d'autres siècles, ce génie sublime qu'animait l'amour le plus pur de la liberté a fourni néanmoins de funestes prétextes à plus d'un genre de tyrannie. Ce génie sublime qu'animait l'amour le plus pur de la liberté a fourni néanmoins de funestes prétextes à plus d'un genre de tyrannie. C'est Benjamin Constant qui le dit, ici le texte est lu par Pierre Rochefort, et ce n'est pas le seul, Bruno Bernardi, à critiquer Rousseau de cette façon-là. C'est pas le seul, même pas le premier, mais il sera suivi par une longue course. Alors, je marquerai tout de suite, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais de préciser que dans ce texte de cette conférence faite à l'Athénée... En 1819, liberté, je ne l'ai pas précisé. Oui, de la liberté, sur la liberté des anciens et des modernes. Benjamin Constant ne s'arrête pas là, et en particulier, il évoque là, dans le texte qui vient d'être lu, deux auteurs. Le second, c'est Mably, et qui a eu une très grande importance dans la Révolution française. Et un peu plus loin, c'est très intéressant, parce qu'en réalité, il renonce à s'attaquer à Rousseau. Là, il prend des précautions, hein, il dit le prétexte, etc. Bon, et il s'attaque à Mably. Alors, la distinction fondamentale qu'il fait est très importante parce qu'elle répond à une question que vous aviez posée au début de cette émission. Bon, et il dit que ce qu'il reproche à Mably, qu'il ne reproche pas à Rousseau, est explicite là-dessus, c'est précisément d'avoir voulu être coercitif vis-à-vis des consciences. Il dit la différence entre eux, c'est que Rousseau dit il faut contraindre les actes et pas les consciences, tandis que Mably prétend rentrer dans les consciences et les contraindre. On ne contraint pas à croire, etc. Bon. Donc là-dessus, donc, il est beaucoup plus précautionneux dans son traitement de Rousseau. La deuxième réponse, deuxième élément de réponse que je ferai, c'est que bien entendu, il n'a pas tort en ce sens que il s'est fait tous les usages possibles de Rousseau pendant la Révolution française, dans toutes les directions, et les meilleurs et les pires. Donc oui, quand il dit le prétexte à des etc. de tyrannie, il y a pu avoir effectivement. Bon, simplement, vous pensez à Robespierre, par exemple ? Je ne traiterai pas Robespierre de tyran, contrairement, mais c'est plus... Dans les deux cas, oui, Robespierre s'est revendiqué de Rousseau, libre à vous de l'interpréter dans le sens que vous voulez. Mais j'avais travaillé beaucoup pour une exposition faite à l'Assemblée nationale sur Rousseau et la Révolution, et il est très frappant de voir, pour résumer les choses, la panthéonisation de Rousseau a été décidée par les Montagnards, début 94, et a été réalisé par les Thermidoriens, ceux qui avaient foutu dehors les comptes des malins, 6 mois plus tard. Les uns et les autres, et une continuité parfaite. Ouais. Donc, je veux dire, ce qui veut dire qu'on faisait de Rousseau ce qu'on voulait, dont il n'est bien sûr pas forcément responsable, même si on peut analyser les relations. Alors, par contre, dans le texte qui vient d'être lu, ce qui est très important, c'est que précisément, et là, il n'est pas le seul, et c'est excusable peut-être, mais il est très clair que Benjamin Constant ne voit pas le type de distinction que fait Rousseau entre matière de gouvernement et matière de souveraineté, et par conséquent, ce qu'il attribue au peuple. Puisque les mesures qu'il évoque comme des mesures de contrainte, des mesures qui empêchent la liberté, sont des mesures, entre guillemets, qui relèvent du gouvernement et pas de la souveraineté. Donc Rousseau n'a jamais voulu les faire rentrer, entre guillemets, comme exercice de la liberté souveraine. Oui, en fait, comme Rousseau ne pense pas à un gouvernement fort ou un représentant fort, on ne peut pas parler de tyrannie de l'un sur le peuple. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, j'évoquais au début de cette émission les différents types de liberté, entre guillemets, liberté civile, enfin liberté politique, liberté civile, et liberté morale. Alors, il y a quelque chose, je voudrais revenir sur un autre passage du contrat social qui est très important, du livre 2, dans lequel Rousseau pose la question suivante, le titre est très « Des bornes du pouvoir souverain ». Ce qui veut dire, est-ce qu'il y a des limites ? Et c'est un chapitre très riche, à mon avis très sous-estimé, mais dont le point de départ est le suivant. Mais outre la personne publique, c'est-à-dire la personne publique, c'est le corps politique, c'est le souverain, nous avons à considérer les personnes privées qui la composent et dont la vie et la liberté sont naturellement indépendantes d'elles. Il s'agit donc de bien distinguer les droits respectifs des citoyens et du souverain et des devoirs qu'ont à remplir les premiers en qualité de sujet du droit naturel dont ils doivent jouir en qualité d'homme. Et vous remarquerez ici que oui, c'est très exactement le Conseil des droits de l'homme, hein, que Rousseau évoque ici. Bon, j'ai noté parce qu'il est quasiment inconnu encore à l'époque. Et qu'est-ce qu'il est en train de circonscrire ? C'est une chose qu'on oublie. C'est vrai. C'est que pour Rousseau, non, la sphère du politique ne recouvre pas l'entièreté de la vie humaine. L'homme ne se réduit pas à son statut de citoyen. Il ne se réduit pas à son statut politique. Simplement, c'est ce statut politique à partir du moment où il vit en société, et la clé est constitutif de cadre dans lequel il va pouvoir exercer et pouvoir protéger les droits qui sont les siens en tant qu'homme. Et donc de conduire sa vie, entre guillemets, de façon autonome. Et du coup, ce qu'on ne voit pas, c'est que l'un des objectifs majeurs pour Rousseau de la politique, c'est précisément de protéger, pas seulement conserver, mais de protéger la liberté des individus. Alors, je vais revenir rapidement sur deux phrases, ce sera très court, de ce point de vue-là, du livre 3, qui est consacré au gouvernement. Quand Rousseau veut définir le gouvernement, il dit « qu'est-ce que donc le gouvernement ?» La réponse, un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance, chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté, tant civile que politique. Et ça, c'est parce que du coup, le gouvernement, on lui confie une tâche, effectivement, mais les orientations sont lui données à ce qu'il doit faire, c'est très clair, hein, c'est faire exécuter les lois et maintenir la liberté. Non, mais vous faites bien de préciser ça, surtout ça, c'est la fin, non seulement de l'émission, mais de cette série de 4 émissions consacrées au contrat social de Rousseau. On aurait pu avoir l'impression que pour Rousseau, la vie politique est le but de la vie. Et que la volonté générale, dans ce qu'elle peut avoir de totalisant, est quelque chose qui happe complètement l'existence humaine. Or là, vous insistez bien pour dire que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et je termine là-dessus, sur une autre phrase, qui était c'est du même livre, un peu plus loin, à propos du bon signe, des signes du bon gouvernement, où Rousseau oppose, de façon réglée, c'est un texte assez extraordinaire, la conception de la politique que l'on peut se faire lorsque on se place en citoyen, ou lorsqu'on se passe en sujet. Nous sommes tous l'un et l'autre, sujet au loin, etc. Et il dit ceci, les sujets vantent la tranquillité publique, les citoyens, la liberté des particuliers. Les sujets, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on protège leurs biens. Ils veulent, excusez-moi, mais des policiers partout, ils veulent la police municipale, etc., qu'on empêche les vagabonds de se mettre, et ainsi de suite. C'est ça, c'est ça le sujet. Et les citoyens, eux, quelle est leur protection précisément, de ce qui fait que d'ailleurs, c'est pourquoi il le met là, parce que dans leur rapport au gouvernement, dans notre rapport au gouvernement, parce que de toute façon nous sommes l'un et l'autre, il y a deux types de rapports, deux types de demandes qui peuvent être faites par rapport aux fonctions. Est-ce que c'est, on demande de la sécurité, ou est-ce qu'on demande de la liberté, la protection des libertés? Et c'est très clair que pour Rousseau, celui du côté duquel il est, c'est celui du citoyen, et c'est la liberté. Donc c'est la liberté et pas la sécurité. Bien sûr. Alors, et donc on en revient au début de l'émission et la boucle est bouclée, c'est-à-dire que peut-on forcer quelqu'un à être libre? En fait, c'est une manière pour Rousseau, enfin dire qu'il veut forcer quelqu'un à être libre, c'est une manière pour Rousseau de renouer avec le projet même de la politique, qui est en fait le projet même qui permet à l'homme d'être homme pleinement. Mais s'il en était, comment pourrait-on? Parce que on daube, je dirais, très facilement et depuis l'éternité sur les contradictions de Rousseau. J'étais très reconnaissant à l'intervention la dernière hier de Franck Koch, qui à un moment donné a dit, mais on parle des contradictions de Rousseau, en fait ce sont les problèmes réels qu'il se pose, c'est bien cela. Rousseau est, je dirais simultanément, nous avions eu l'occasion d'en parler sur un autre terrain, le penseur de la citoyenneté, du politique, du commun, et le penseur de la singularité, de la subjectivité, celui des priori du preneur solitaire, ou plus encore, des confessions. Est-ce que c'est une contradiction? Eh bien, je dirais que c'est tout simplement la contradiction de l'homme moderne. Comment être moderne? En étant à la fois, des citoyens pleinement engagés, entre guillemets, dans l'exercice de notre liberté politique, et donc, dans quelque chose qui est de l'ordre commun, et des êtres singuliers, qui aspirent à conduire leur existence de façon autonome, je dirais un peu à la façon qu'on construit une œuvre d'art. Et ça c'est Rousseau. Eh ben, il y a du travail. Merci beaucoup Bruno Bernardi d'être venu nous transmettre votre connaissance et votre amour pour Rousseau et le contrat social ce matin. Je renvoie donc à la publication de ce texte en Garnier Flammarion avec une présentation de vous, Bruno Bernardi. On se quitte comme on a commencé, Little Sims, Is This Freedom? I woke up from reality. Blow some trees, get in my zone. What is freedom as we know it? I believe it's in my soul. Oh, far beyond despair. From the start, give you my heart. That is my art, but do you care? I don't know. Play my part and it's my role. Scars just from my past will not determine where I go. No, I've been challenging my mind right. Just trying to get my mind right. Searching for something special, man, I got what they can't find right. This my time. Trying to remember faces is like forgetting the basic shit. This life, well, I embrace it. I woke up from reality into the world, this shit was made for me. I wish you saw what I could see. Maybe you're not meant to, yeah, I believe you. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Hier soir, vous avez regardé un documentaire sur et de Beyoncé. Vous voulez nous en parler ce matin? Oui, vous ne l'avez pas regardé vous Adèle? Non, je lisais le contrat social Géraldine. Ah pardon, je préfère les émissions. Alors vous ne faisiez pas partie des millions de spectateurs et spectatrices qui se sont rués sur Netflix dès l'annonce hier matin de la mise en ligne de Homecoming, titre du documentaire de la chanteuse, danseuse, maman, féministe, star internationale. Film de Beyoncé sur Beyoncé, on a presque l'impression d'avoir une sorte d'autobiographie façon Rousseau, juge de Jean-Jacques. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas pour Beyoncé de juger toute l'œuvre de Queen Bee, mais une seule, sa performance de plus de 2 heures sur la scène du festival Coachella devant plus de 100 000 personnes il y a tout juste un an. Se présentant comme une plongée dans les coulisses de ce spectacle monumental, on y découvre toute sa prestation, entrecoupée de flashbacks en noir et blanc, de répétitions, de réunions, de témoignages, de confessions ou de conseils, ce que donne à entendre la bande-annonce entre leçons de vie et musique conquérante. What advice would you have to give this generation? Tell the truth to yourself first and to their children. Depuis le 9 avril, les fans l'attendaient avec impatience et comme Beyoncé ne fait pas les choses à moitié, elle a offert en même temps que la mise en ligne de son film un album live surprise éponyme. Beyoncé ou l'art de tout orchestrer, de tout montrer et de tout faire fructifier. Car ce que l'on comprend bien, c'est que cette performance n'a pas seulement duré 2 heures et quelques, mais s'est étendue sur plus d'un an, 8 mois de répétition avant et après un film et un album comme on l'a compris. Beyoncé ou l'art du tout, Tout simplement. Si l'on devait ainsi choisir un mot pour la définir, ce serait celui de tout. Dans les extraits en coulisses, Beyoncé insiste beaucoup là-dessus. Tout a été travaillé, répété, discuté et tout doit être montré. C'est d'ailleurs le principe de ce documentaire. Du moindre détail de ces costumes faits par Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain, à chaque pas de la chorégraphie, chaque arrangement musical. Chaque répétition, comme on le voit, est ainsi filmée et suivie d'un débrief minute par minute par toute l'équipe de production, soit une cinquantaine de personnes. La chanteuse insiste aussi beaucoup d'ailleurs sur le fait que tous et toutes doivent être visibles. C'est devenu son grand cheval de bataille depuis quelques années, se revendiquant comme une féministe intersectionnelle, rappelant qu'on a voulu la cantonner à son image de petite chanteuse noire de R&B, elle a à cœur que toutes les personnes qui œuvrent pour elle ne restent pas dans l'ombre. Elle dit, je cite, « vouloir que tous soient unis mais que chacun soit différent ». Tout le monde doit par conséquent être vu et chacun de leurs cris et de leurs piétinements perçus par le public lors du spectacle. En coulisses, Beyoncé le dit, le clame, le répète, ce que l'on ressent sur scène ou dans le public doit être palpable à l'image. Ce film a cette vertu, montrer sur l'écran les sentiments et les sensations des danseurs, des musiciens ou des spectateurs. Visage ému, corps en transe, sueur ou sourire, tout doit apparaître. J'avoue, pour ma part, faire partie de ce tout que veut construire Beyoncé en se forgeant une image totale. J'ai regardé avec passion et frisson des dizaines de fois certaines de ses performances, celles des Billboard Awards en 2011 ou celles pour le Super Bowl en 2016. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi je m'ennuie souvent à l'écoute de ses albums. Il me manque toujours quelque chose et oui, ça n'est pas tout. Avec cette idée de tout, on frôlerait presque d'ailleurs le total et le totalitaire. Les critiques de la star ne s'en privent pas, féministe, aguicheuse, altruiste, richissime, indépendante, collée à son mari. Et oui, totalité n'est pas perfection. On lui trouve des défauts et elle en a, mais ce qui est agaçant, c'est qu'elle les montre d'elle-même. Mais oui, je vous l'ai dit, elle montre tout. Que reste-t-il alors à dire quand on montre tout? Quand la fragilité devient une force, quand l'intimité devient une performance, dans une sorte de dialectique où rien n'échappe? Eh bien, si je devais dire quelque chose, c'est que quand on a tout sous les yeux, il reste peut-être trop peu de place pour le manque. Vous avez vu le documentaire, Bruno Bernardi? Non. Vous écoutez Beyoncé? Pas beaucoup. Elle est un peu rousseauiste. Elle est un peu rousseauiste. En tout cas, je crois que c'est sûr, c'est que Colomba Grossi l'écoute parce que vous l'auriez vu se déhancher derrière la vitre. Vous l'avez vu, Bruno Bernardi, je sais. Géraldine, bon, bah, on regarde le documentaire, c'est oui, ça? Oui, Homecoming. Et on peut écouter l'album, du coup. Et surtout, on réécoute votre chronique en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Pierre Faucillon qui était à la prise de son aujourd'hui, Pierre Rochefort et Denis Podalites qui était à la lecture des textes aujourd'hui et cette semaine d'ailleurs. On se retrouve demain. Demain, ce sera une émission spéciale. On diffusera le débat que vous avez animé, Géraldine Mosna-Savoie, à la Sorbonne samedi dernier. Europe, rêve ou cauchemar démocratique, c'était avec Patrice Maniglier, Céline Spector et Bernard Guetta. Eh bien, on a hâte, demain à 10h, donc, d'écouter la diffusion de ce débat. D'ici là, vous pouvez réécouter les 4 émissions consacrées à Rousseau et son contrat social qui ont été diffusées cette semaine. En vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, vous pouvez les réécouter en ligne ou bien les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez, quand vous voulez, et les garder aussi longtemps que vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où on attend vos remarques et commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.